quand tout s'endormira quelque part dans des givres, que ne glisseront plus de nous que des eaux lentes, mêlant leur transparence à des bruissements d'ailes, des fouillis de reflets à des mouvements doux. Quand nous ne serons plus que quelques barques vides, sans marée, sans amarre, sans idée de retour, avec pour seule saison une éternelle enfance, et pour seule musique des rumeurs d'hirondelles. Quand le temps brûlera sur le cadran solaire ces dernières secondes, qu'une flèche noire brisera d'un seul jet le centre de la cible, que partout régneront l'immobile et le blanc. Quand enfin le silence imposera sa neige à ses vacarmes vains, ses fracas et ses cris, que nous ne serons plus qu'une infime fréquence s'en allant se refondre au chant universel. Alors, viendra peut-être, à pas de loup, la paix.